Chapitre 5. Considération sur la pluralité des existences. Ce chapitre est une explication et un commentaire à lui tout seul. Repère 222. Le dogme de la réincarnation, disent certaines personnes, n'est point nouveau. Il est ressuscité de Pythagore. Nous n'avons jamais dit que la doctrine spirite fut d'invention moderne. Le spiritisme, étant une loi de nature, a dû exister dès l'origine des temps, et nous nous sommes toujours efforcés de prouver qu'on en retrouve les traces dans la plus haute antiquité. Pythagore, comme on le sait, n'est pas l'auteur du système de la métempsychose. Il l'a puisé chez les philosophes indiens et chez les égyptiens, où elle existait de temps immémorial. L'idée de la transmigration des âmes était donc une croyance vulgaire, admise par les hommes les plus éminents. Par quelle voie leur est-elle venue? Est-ce par révélation ou par intuition? Nous ne le savons pas. Mais quoi qu'il en soit, une idée ne traverse pas les âges et n'est pas acceptée par les intelligences d'élite sans avoir un côté sérieux. L'antiquité de cette doctrine serait donc plutôt une preuve qu'une objection. Toutefois, comme on le sait également, il y a, entre la métempsychose des anciens et la doctrine moderne de la réincarnation, cette grande différence que les esprits rejettent de la manière la plus absolue la transmigration de l'homme dans les animaux, et réciproquement. Les esprits, en enseignant le dogme de la pluralité des existences corporelles, renouvelle donc une doctrine qui a pris naissance dans les premiers âges du monde et qui s'est conservée jusqu'à nos jours dans la pensée intime de beaucoup de personnes. Seulement, il la présente sous un point de vue plus rationnel, plus conforme aux lois progressives de la nature et plus en harmonie avec la sagesse du Créateur, en la dépouillant de tous les accessoires de la superstition. Une circonstance digne de remarque, c'est que ce n'est pas dans ce livre seul qu'ils l'ont enseigné dans ces derniers temps. Dès avant sa publication, de nombreuses communications de même nature ont été obtenues, en diverses contrées, et se sont considérablement multipliées depuis. Ce serait peut-être ici le cas d'examiner pourquoi tous les esprits ne paraissent pas d'accord sur ce point. Nous y reviendrons plus tard. Examinons la chose sous un autre point de vue, et abstraction faite de toute intervention des esprits. Mettons ceci de côté pour un instant. Supposons que cette théorie ne soit pas leur faite. Supposons même qu'il n'ait jamais été question d'esprit. Plaçons-nous donc momentanément sur un terrain neutre, admettant au même degré de probabilité l'une et l'autre hypothèse, savoir la pluralité et l'unité des existences corporelles, et voyons de quel côté nous portera la raison de notre propre intérêt. Certaines personnes repoussent l'idée de la réincarnation par ce seul motif qu'elle ne leur convient pas, disant qu'elles ont bien assez d'une existence et qu'elles n'en voudraient pas recommencer une pareille. Nous en connaissons que la seule pensée de reparaître sur la terre fait bondir de fureur. Nous n'avons qu'une chose à leur demander, c'est si elles pensent que Dieu ait pris leur avis et consulté leur goût pour régler l'univers. L'univers. Or, de deux choses l'une, ou la réincarnation existe ou elle n'existe pas. Si elle existe, elle a beau les contrarier, il leur faudra la subir. Dieu ne leur en donnera pas la permission. Il nous semble entendre un malade dire « J'ai assez souffert aujourd'hui, je ne veux plus souffrir demain. » Quelle que soit sa mauvaise humeur, il ne lui faudra pas moins souffrir le lendemain et les jours suivants, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Donc, s'ils doivent revivre corporellement, ils revivront. Ils se réincarneront. Ils auront beau se mutiner, comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école, ou un condamné en prison, il faudra qu'ils en passent par là. De pareilles objections sont trop puériles pour mériter un plus sérieux examen. Nous leur dirons cependant, pour les rassurer, que que la doctrine spirite sur la réincarnation n'est pas aussi terrible qu'il le croit, et s'il l'avait étudiée à fond, il n'en serait pas si effrayé. Il saurait que la condition de cette nouvelle existence dépend d'eux. Elle sera heureuse ou malheureuse selon ce qu'ils auront fait ici-bas. Et ils peuvent, dès cette vie, s'élever si haut qu'ils n'auront plus à craindre de retomber dans le bourbier. Nous supposons que nous parlons à des gens qui croient à un avenir quelconque après la mort, et non à ceux qui se donnent le néant pour perspective, ou qui veulent noyer leur âme dans un tout universel, sans individualité, comme les gouttes de la pluie dans l'océan, ce qui revient à peu près au même. Si donc vous croyez à un avenir quelconque, vous n'admettez pas, sans doute, qu'il soit le même pour tous, autrement, où serait l'utilité du bien? Pourquoi se contraindre? Pourquoi ne pas satisfaire toutes ses passions, tous ses désirs, fût-ce même aux dépens d'autrui, puisqu'il n'en serait ni plus ni moins? Vous croyez que cet avenir sera plus ou moins heureux ou malheureux selon ce que nous aurons fait pendant la vie? Vous avez alors le désir d'y être aussi heureux que possible, puisque ce doit être pour l'éternité. Auriez-vous par hasard la prétention d'être un des hommes les plus parfaits qui aient existé sur la terre et d'avoir aussi droit d'emblée à la félicité suprême des élus? Non. Vous admettez ainsi qu'il y a des hommes qui valent mieux que vous et qui ont droit à une meilleure place, sans pour cela que vous soyez parmi les éprouvés. Eh bien, placez-vous un instant par la pensée dans cette situation moyenne qui sera la vôtre, puisque vous venez d'en convenir et supposer que quelqu'un vienne vous dire « Vous souffrez, vous n'êtes pas aussi heureux que vous pourriez l'être, tandis que vous avez devant vous des êtres qui jouissent d'un bonheur sans mélange. Voulez-vous changer votre position contre la peur ?»« Sans doute, direz-vous. Que faut-il faire ?»« Moins que rien. Recommencez ce que vous avez mal fait et tâchez de faire mieux. » Hésiteriez-vous à accepter, fût-ce même au prix de plusieurs existences d'épreuves? Prenons une comparaison plus prosaïque. Si à un homme, qui sans être dans la dernière des misères, éprouve néanmoins des privations par suite de la médiocrité de ses ressources, on venait dire « Voilà une immense fortune, vous pouvez en jouir, il faut pour cela travailler rudement pendant une minute. » Fût-il le plus paresseux de la terre, il dira sans hésiter. Travaillons une minute, deux minutes, une heure, un jour, s'il le faut. Qu'est-ce que cela pour finir ma vie dans l'abondance? Or, quelle est la durée de la vie corporelle par rapport à l'éternité? Moins qu'une minute, moins qu'une seconde. Nous avons entendu faire ce raisonnement. Dieu, qui est souverainement bon, ne peut imposer à l'homme de recommencer une série de misères et de tribulations. Trouverait-on par hasard qu'il y a plus de bonté à condamner l'homme à une souffrance perpétuelle pour quelques moments d'erreur plutôt qu'à lui donner les moyens de réparer ses fautes? Deux fabricants avaient chacun un ouvrier qui pouvait aspirer à devenir l'associé du chef. Or, il arriva que ces deux ouvriers employèrent une fois très mal leur journée et méritèrent d'être renvoyés. L'un des deux fabricants chassa son ouvrier malgré ses supplications, et celui-ci, n'ayant pas trouvé d'ouvrage, mourut de misère. L'autre dit au sien « Vous avez perdu un jour, vous m'en devez un en compensation. Vous avez mal fait votre ouvrage, vous m'en devez la réparation. Je vous permets de le recommencer. Tâchez de bien faire et je vous conserverai. » Et vous pourrez toujours aspirer à la position supérieure que je vous ai promise. Est-il besoin de demander quel est celui des deux fabricants qui a été le plus humain? Dieu, la clémence même, serait-il plus inexorable qu'un homme? La pensée que notre sort est à jamais fixé par quelques années d'épreuves, alors même qu'il n'a pas toujours dépendu de nous d'atteindre à la perfection sur la terre, à quelque chose de navrant, tandis que l'idée contraire est éminemment consolante. Elle nous laisse l'espérance. Ainsi, sans nous prononcer pour ou contre la pluralité des existences, sans admettre une hypothèse plutôt que l'autre, Nous disons que, si nous avions le choix, il n'est personne qui préférera un jugement sans appel. Un philosophe a dit que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer pour le bonheur du genre humain. On pourrait en dire autant, de la pluralité des existences. Mais, comme nous l'avons dit, Dieu ne nous demande pas notre permission. Il ne consulte pas notre goût. Cela est ou cela n'est pas. Voyons de quel côté sont les probabilités et prenons la chose à un autre point de vue, toujours abstraction faite de l'enseignement des esprits et uniquement comme l'étude philosophique. S'il n'y a pas de réincarnation, il n'y a qu'une existence corporelle, cela est évident. Si notre existence corporelle actuelle est la seule, l'âme de chaque homme est créée à sa naissance, à moins que l'on admette l'antériorité de l'âme. Auquel cas, on se demanderait ce qu'était l'âme avant la naissance. Et si cet état ne constituait pas une existence sous une forme quelconque? Il n'y a pas de milieu où l'âme existait, où elle n'existait pas avant le corps. Si elle existait, quelle était sa situation? Avait-elle ou non conscience d'elle-même? Si elle n'en avait pas conscience, c'est à peu près comme si elle n'existait pas. Si elle avait son individualité, elle était progressive ou stationnaire. Dans l'un et l'autre cas, à quel degré est-elle arrivée dans le corps? En admettant, selon la croyance vulgaire, que l'âme prend naissance avec le corps, ou, ce qui revient au même, qu'antérieurement à son incarnation, elle n'a que des facultés négatives. Nous posons les questions suivantes. Petit 1. Pourquoi l'âme montre-t-elle des aptitudes si diverses et indépendantes des idées acquises par l'éducation? Petit 2. D'où vient l'aptitude extra-normale de certains enfants en bas âge pour tel art ou telle science, tandis que d'autres restent inférieurs ou médiocres toute leur vie? Petit 3. D'où viennent chez les uns les idées innées ou intuitives qui n'existent pas chez d'autres? Petit 4. D'où viennent chez certains enfants, ces instincts précoces de vice ou de vertu, ces sentiments innés de dignité ou de bassesse qui contrastent avec le milieu dans lequel ils sont nés. Petit 5. Pourquoi certains hommes, abstraction faite de l'éducation, sont-ils plus avancés les uns que les autres? Petit 6. Pourquoi y a-t-il des sauvages et des hommes civilisés? Si vous prenez un enfant attento à la mamelle, et si vous l'élevez dans vos lycées les plus renommés, n'en ferez-vous jamais un Laplace ou un Newton? Nous demandons quelle est la philosophie ou la théosophie qui peut résoudre ces problèmes. Où les âmes à leur naissance sont égales, ou elles sont inégales, cela n'est pas douteux. Si elles sont égales, pourquoi ces aptitudes si diverses? Dira-t-on que cela dépend de l'organisme? Mais alors, c'est la doctrine la plus monstrueuse et la plus immorale. L'homme n'est plus qu'une machine, le jouet de la matière. Il n'a plus la responsabilité de ses actes. Il peut tout rejeter sur ses imperfections physiques. Si elles sont inégales, c'est que Dieu les a créées ainsi. Mais alors, pourquoi cette supériorité innée accordée à quelques-uns? Cette partialité est-elle conforme à sa justice et à l'égal amour qu'il porte à toutes ses créatures? Admettons, au contraire, une succession d'existences antérieures progressives, et tout est expliqué. Les hommes apportent en naissant l'intuition de ce qu'ils ont acquis. Ils sont plus ou moins avancés, selon le nombre d'existences qu'ils ont parcourues, selon qu'ils sont plus ou moins éloignés du point de départ. Absolument, comme dans une réunion d'individus de tout âge, chacun aura un développement proportionné au nombre d'années qu'il aura vécu. Les existences successives seront, pour la vie de l'âme, ce que les années sont pour la vie du corps. Rassemblez un jour 1000 individus, depuis un an jusqu'à 80. Supposez qu'un voile soit jeté sur tous les jours qui ont précédé, et que, dans votre ignorance, vous les croyez ainsi tous nés le même jour. Vous vous demanderez naturellement comment il se fait que les uns soient grands et les autres petits, les uns vieux et les autres jeunes, les uns instruits et les autres encore ignorants. Mais si le nuage qui vous cache le passé vient à se lever, si vous apprenez qu'ils ont tous vécu plus ou moins longtemps, tout vous sera expliqué. Dieu, dans sa justice, n'a pu créer des âmes plus ou moins parfaites. mais avec la pluralité des existences, l'inégalité que nous voyons n'a plus rien de contraire à l'équité la plus rigoureuse. C'est que nous ne voyons que le présent et non le passé. Ce raisonnement repose-t-il sur un système, une supposition gratuite? Non. Nous partons d'un fait patent, incontestable. L'inégalité des aptitudes et du développement intellectuel et moral, et nous trouvons ce fait inexplicable par toutes les théories qui ont cours. Tandis que l'explication en est simple, naturelle, logique, par une autre théorie. Est-il rationnel de préférer celle qui n'explique pas à celle qui explique? À l'égard de la sixième question, on dira sans doute que le Atento est d'une race inférieure. Alors nous demanderons si le Atento est un homme ou non. Si c'est un homme, pourquoi Dieu l'a-t-il, lui et sa race, déshérité des privilèges accordés à la race caucasique? Si ce n'est pas un homme, pourquoi chercher à le faire chrétien? La doctrine spirite est plus large que tout cela. Pour elle, il n'y a pas de plusieurs espèces d'hommes. Il n'y a que des hommes dont l'esprit est plus ou moins arriéré, mais susceptible de progresser. Cela n'est-il pas plus conforme à la justice de Dieu? Nous venons de voir l'âme dans son passé et dans son présent. Si nous la considérons dans son avenir, nous trouvons les mêmes difficultés. Petit 1. Si notre existence actuelle doit seule décider de notre sort à venir, quelle est, dans la vie future, la position respective du sauvage et de l'homme civilisé? Sont-ils au même niveau ou sont-ils distancés dans la somme du bonheur éternel? Petit 2. L'homme qui a travaillé toute sa vie à s'améliorer est-il au même rang que celui qui est resté inférieur? Non par sa faute, mais parce qu'il n'a eu ni le temps ni la possibilité de s'améliorer. Petit 3. L'homme qui fait mal parce qu'il n'a pu s'éclairer est-il passible d'un état de choses qui n'a pas dépendu de lui? Petit 4. On travaille à éclairer les hommes, à les moraliser, à les civiliser, mais pour un que l'on éclaire. Il y en a des millions qui meurent chaque jour avant que la lumière soit parvenue jusqu'à eux. Quel est le sort de ceux-ci? Sont-ils traités comme des erreurs éprouvées? Dans le cas contraire, qu'ont-ils fait pour mériter d'être sur le même rang que les autres? Petit 5. Quel est le sort des enfants qui meurent en bas âge, avant d'avoir pu faire ni bien ni mal? S'ils sont parmi les élus, pourquoi cette faveur sans avoir rien fait pour la mériter? Pour quel privilège, par quel privilège, sont-ils affranchis des tribulations de la vie? Y a-t-il une doctrine qui puisse résoudre ces questions? Admettez des existences consécutives, et tout est expliqué conformément à la justice de Dieu. Ce que l'on a pu faire dans une existence, on l'a fait dans une autre. C'est ainsi que personne n'échappe à la loi du progrès, que chacun sera récompensé selon son mérite réel, que nul n'est exclu de la félicité suprême, à laquelle il peut prétendre, quels que soient les obstacles qu'il ait rencontrés sur sa route. Ces questions pourraient être multipliées à l'infini, car les problèmes psychologiques et moraux qui ne trouvent leur solution que dans la pluralité des existences sont innombrables. Nous nous sommes bornés aux plus généraux. Quoi qu'il en soit, dira-t-on peut-être, la doctrine de la réincarnation n'est point admise par l'Église. Ce serait donc le renversement de la religion? Notre but n'est pas de traiter cette question en ce moment. Il nous suffit d'avoir démontré qu'elle est éminemment morale et rationnelle. Or, ce qui est moral et rationnel ne peut être contraire à une religion qui proclame Dieu la bonté et la raison par excellence. Que serait-il advenu de la religion si, contre l'opinion universelle et le témoignage de la science, elle se fût roidie contre l'évidence et eût rejeté de son sein quiconque n'eût pas cru au mouvement du soleil et aux six jours de la création? Quelle créance eût mérité et quelle autorité aurait eu, chez des peuples éclairés, une religion fondée sur des erreurs manifestes données comme article de foi? Quand l'évidence a été démontrée, l'Église s'est sagement rangée du côté de l'évidence. S'il est prouvé que des choses qui existent sont impossibles sans la réincarnation, si certains points du dogme ne peuvent être expliqués que par ce moyen, Il faudra bien admettre et reconnaître que l'antagonisme de cette doctrine et de ses dogmes n'est qu'apparent. Plus tard, nous montrerons que la religion en est peut-être moins éloignée qu'on ne le pense, et qu'elle n'en souffrirait pas plus qu'elle n'a souffert de la découverte du mouvement de la Terre et des périodes géologiques qui, au premier abord, ont paru donner un démenti aux textes sacrés. Le principe de la réincarnation ressort d'ailleurs de plusieurs passages des Écritures et se trouve notamment formulé d'une manière explicite dans l'Évangile. Ouvrez les guillemets. Lorsqu'il descendait la montagne, après la transfiguration, Jésus fit ce commandement et leur dit. Ouvrez les guillemets. Ne parlez à personne de ce que vous venez de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Fermez les guillemets. Ses disciples l'interrogèrent alors et lui dirent, ouvrez les guillemets, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant? Fermez les guillemets. Mais Jésus leur répondit, ouvrez les guillemets, il est vrai qu'Élie doit venir et qu'il rétablira toutes choses, mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais l'ont fait souffrir comme ils l'ont voulu, comme ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront mourir le Fils de l'homme. Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. Fermez les guillemets. Puisque Jean-Baptiste était Élie, il y a donc eu réincarnation de l'esprit ou de l'âme d'Élie dans le corps de Jean-Baptiste. Quel que soit, du reste, l'opinion que l'on se fasse sur la réincarnation, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, il n'en faut pas moins la subir si elle existe. Nonobstant toute croyance contraire, le point essentiel, c'est que l'enseignement des esprits est éminemment chrétien. Il s'appuie sur l'immortalité de l'âme, les peines et les récompenses futures, la justice de Dieu, le libre arbitre de l'homme, la morale du Christ. Donc, il n'est pas anti-religieux. Nous avons raisonné, comme nous l'avons dit, abstraction faite de tout enseignement spirit qui, pour certaines personnes, n'est pas une autorité. Si nous, et tant d'autres, avons adopté l'opinion de la pluralité des existences, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous vient des esprits. C'est parce qu'elle nous a paru la plus logique et qu'elle seule résout des questions jusqu'alors insolubles. Elle nous serait venue d'un simple mortel que nous l'aurions adopté de même et que nous n'aurions pas hésité davantage à renoncer à nos propres idées. Du moment qu'une erreur est démontrée, l'amour-propre a plus à perdre qu'à gagner à s'entêter dans une idée fausse. De même, nous l'eussions repoussée, quoique venant des esprits, si elle nous eût semblé contraire à la raison, comme nous en avons repoussé bien d'autres. Car nous savons par expérience qu'il ne faut pas accepter en aveugle tout ce qui vient de leur part, pas plus que ce qui vient de la part des hommes. Son premier titre à nos yeux est donc avant tout d'être logique. Elle en a un autre, c'est d'être confirmée par les faits. Fait positif et pour ainsi dire matériel, qu'une étude attentive et raisonnée peut révéler à quiconque se donne la peine d'observer avec patience et persévérance, et en présence desquels le doute n'est plus permis. Quand ces faits seront popularisés, comme ceux de la formation et du mouvement de la Terre, il faudra bien se rendre à l'évidence, et les opposants en auront été pour leurs frais de contradiction. Reconnaissons donc, en résumé, que la doctrine de la pluralité des existences explique seule ce qui, sans elle, est inexplicable, qu'elle est éminemment consolante et conforme à la justice la plus rigoureuse, et qu'elle est pour l'homme l'encre de salut que Dieu lui a donnée dans sa miséricorde. Les paroles mêmes de Jésus ne peuvent laisser de doute sous ce rapport. Voici ce qu'on dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3. Ouvrez les guillemets. Jésus répondant à Nicodème dit, ouvrez les guillemets, en vérité je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Fermez les guillemets. Nicodème lui dit, ouvrez les guillemets, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Fermez les guillemets. Jésus répondit, ouvrez les guillemets, En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.